Cash.com. Voilà qui conclut cette édition de CNX.zip. Merci d'avoir été à l'écoute. Retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Dash.com.